qu'on est présentement avec André-Philippe Drapeau-Picard, qui est entomologiste à l'Insectarium de Montréal. Salut André, comment ça va? Salut, ça va toi? Ça va super bien. Qu'est-ce que tu fais exactement à l'Insectarium? Mm-hmm. Mon titre est un peu plate, mais c'est préposé au renseignement entomologique. Puis j'aime dire à la blague que je travaille pour le service de renseignement de l'Insectarium. Puis mon principal mandat, c'est de répondre aux questions qu'on reçoit du public par courriel ou par la poste, parce qu'on offre un service d'identification. Donc, n'importe qui peut nous envoyer une photo d'insectes ou d'araignées qu'il a vu chez lui ou dans sa maison. Puis, on l'identifie dans la mesure du possible. Puis, on répond aussi à des questions d'ordre plus général, du genre, j'ai un nid de guêpe à côté de ma porte. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est grave, docteur? Puis ça, c'est un service qui est offert depuis longtemps à l'Insectarium ou est-ce que c'est nouveau? L'Insectarium a ouvert en 1990, puis le service a commencé peu après ça. Évidemment, à l'époque, il y avait pas de courriel ou très peu. Puis mais ça se continue maintenant. Maintenant, c'est surtout des courriels qu'on reçoit, là. Puis bon an, mal an, on reçoit à peu près 1000 demandes par année. Est-ce que c'est important, d'après toi, d'être capable d'aider les gens à identifier les insectes qu'on trouve, qu'on ne sait pas c'est quoi exactement, dans nos maisons, dans nos jardins? Ouais, ben je pense que c'est vraiment important de pouvoir mettre un nom sur ce qu'on voit. C'est la première étape pour qu'on puisse commencer à en apprendre sur ce qu'on a devant soi. Parce qu'une fois qu'on sait comment ça s'appelle, ben on peut aller voir dans les livres ou sur le web pour avoir plus d'informations, tu sais, savoir qu'est-ce que ça mange, par exemple, qu'est-ce que ça fait en hiver, etc. Puis dans le cas des insectes en particulier, il y en a vraiment beaucoup. On parle de 1 million d'espèces décrites dans le monde. Fait que pour les néophytes, c'est un peu... c'est pas facile d'identifier les insectes quand on n'est pas un spécialiste. Donc, nous, on est là pour les accompagner dans leur découverte pour cohabiter mieux avec les insectes. Juste question comme ça, il y a combien d'espèces d'insectes, admettons, au Québec? C'est comme que nous, on peut rencontrer dans notre vie de tous les jours. Ouais, on parle de 20-25 000 espèces d'insectes, puis 700 espèces d'araignées, pour donner une idée. Ce qui m'amène à te poser la question ultime de pourquoi tu es ici, il y a un article qui est sorti récemment pour combattre la désinformation. C'est à propos des araignées en particulier. Mm-hmm. J'imagine que c'est un peu ça que l'Insectarium fait à la base. Mais l'article auquel tu as participé, t'as co-écrit? J'ai participé à la collecte de données, puis à l'analyse. Fait que c'est ça. Fait que je suis co-auteur, mais c'est pas moi qui ai rédigé le draft. Fait que c'est ça. J'étais là dans les premières étapes, là, quand ils cherchaient à construire une équipe d'experts à travers le monde. Tu sais, il y a des gens de 80 pays qui ont participé à ce projet-là, qui parlent différentes langues. Puis l'idée, c'était d'aller chercher tout ce qui s'est publié dans les médias au sujet des araignées entre 2010 puis 2020. Puis nous, à l'Insectarium, on l'a fait pour le Canada francophone avec Sarah Loboda, qui est une autre chercheure, une arachnologue établie au Québec. Puis voilà, comme ça, il y a au-dessus de 5000 articles de 81 pays précisément, dans 40 langues qui ont été sortis puis analysés pour voir est-ce qu'il y avait des erreurs dedans, des erreurs d'identification, est-ce que c'était présenté de façon sensationnelle, etc., etc. Donc, le but, c'était de savoir, à propos des araignées, dans les articles de journaux, de nouvelles, savoir s'il y avait de la désinformation ou de la misinformation ou juste comme du sensationnalisme. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, parce que l'arachnophobie, ça existe. C'est une des phobies animales les plus répandues dans le monde. Puis bon, les araignées, ça laisse personne indifférent. Là. Si on est pas arachnophobe, sans nécessairement être arachnophobe, on peut ne pas les aimer ou au contraire être fasciné par elles. Puis c'est intéressant comme phénomène. Puis on peut se poser la question d'où est-ce que ça vient, l'arachnophobie. Tu sais, puis il y a deux hypothèses principales. Il y en a une qui est évolutive. Donc que l'arachnophobie serait un trait qui a évolué chez les êtres humains pour éviter de se retrouver dans des situations dangereuses. C'est pour éviter de se faire mordre. Tu vois une araignée, t'as peur, tu t'en vas, fait qu'elle te mordra pas. Fait que ça, c'est l'hypothèse numéro un. L'hypothèse numéro deux, c'est que c'est culturel. Donc, c'est appris, finalement. C'est pas inné, c'est acquis. par nos parents, par exemple. Si nos parents ont peur des araignées, on a plus de peur d'avoir peur nous-mêmes. Puis la façon dont les araignées sont représentées dans les médias, au cinéma, dans la littérature. Donc, c'est les deux principales hypothèses qui sont pas mutuellement exclusives d'ailleurs, hein. La réalité est probablement quelque part entre les deux. Donc, c'est pour ça que ce projet-là a vu le jour. Puis pourquoi c'est important de savoir d'où ça vient? Parce que ça a des conséquences un peu poches, là. On pourrait revenir plus tard, mais ça crée beaucoup d'anxiété quand on est arachnophobe, parce que des araignées, il y en a partout, là, dans les milieux terrestres, dont à l'intérieur des maisons. Il y a des araignées qui sont spécialisées, d'ailleurs, pour vivre dans nos salles de bain, par exemple. Donc, ça crée beaucoup d'anxiété chez les gens qui sont arachnophobes. Puis, il y a aussi des histoires qui n'ont pas de bon sens, du genre un gars qui a mis le feu à sa maison en voulant se débarrasser des araignées qu'il y avait sur sa maison. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de raison, pas vraiment de raison d'avoir peur des araignées. Puis c'est pour ça qu'on voulait savoir d'où est-ce que ça venait, puis c'était quoi la part des médias là-dedans. Petite question comme ça, dans les thèses de la provenance de l'arachnophobie, c'est quoi les données qui sont là pour supporter les deux thèses que tu as mentionnées? Ouais, bonne question. Par rapport à l'hypothèse qu'on va dire évolutive, il y a une étude plutôt cool qui a été faite avec des très jeunes enfants. Donc là, on assume que ces enfants-là sont trop jeunes pour avoir appris à avoir peur des araignées. Ce qu'on a fait avec ces bébés-là, finalement, c'est qu'on leur présentait des images. Fait qu'on les assoyait devant un écran, puis on leur présentait des images de différents animaux. Puis le stimulus qui était mesuré, c'est le diamètre de la pupille. Parce que quand la pupille s'élargit tout à coup, c'est interprété comme un signe de stress, tu sais. Le corps est aux aguets parce qu'il y a un danger. Puis les jeunes enfants réagissaient plus aux images d'araignées puis de serpents que les autres animaux. Donc ça, c'est quand même un bel argument en faveur de l'hypothèse évolutive. Par contre, ça a été critiqué, l'hypothèse. Pas cette étude-là, mais l'hypothèse en tant que telle, parce que de nos jours, du moins, dans la région d'où l'espèce humaine origine, le nord de l'Afrique puis le Moyen-Orient, en ce moment, il n'y a pas vraiment d'araignées dangereuses. Donc, l'hypothèse selon laquelle on aurait évolué ce trait-là pour se sauver des espèces dangereuses, tiendrait pas la route selon les critiques de la théorie. Donc ça, c'est pour l'hypothèse évolutive. Après ça, l'hypothèse, disons, culturelle, je pense qu'on peut l'observer autour de nous. Il y a plein d'exemples dans la culture populaire de représentation des araignées, qu'on pense au film Arachnophobia, ouais, qui est un classique dans le genre. Plus près de nous, il y a Aragog, tu sais, l'araignée dans Harry Potter. Il y a Arachné ou Shalob dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a Spider-Man qui fait un peu exception. Tu sais, les araignées sont présentées comme cool là-dedans. Puis d'ailleurs, il y a une étude en faveur de l'hypothèse culturelle. C'est que justement, on a mesuré une baisse du niveau de peur envers les araignées, une baisse de l'arachnophobie chez des gens à qui on a fait écouter Spider-Man. Donc, autant ça pourrait s'apprendre, mais autant ça peut se désapprendre. Ouais, ce qui me fait penser que, justement, il y a des moyens, justement, de faire baisser ton arachnophobie avec, j'ai pas le terme en français, mais le exposure therapy. Ouais. Tu montres à quelqu'un des images d'araignées, puis éventuellement, tu peux te rendre à comment toucher ou en avoir dans tes mains. Mm-hmm. Ce qui est quand même, tu sais, moi, les araignées, pas gros fan. Je suis pas arachnophobe comme tel. Je fais pas comme exprès de tuer les araignées chez moi. On s'entend. Je les mets dehors, même si je sais pas, si une araignée de maison, tu la mets dehors, est-ce qu'elle va mourir? Ça dépend, c'est quelle espèce. Il y en a qui se retrouvent à l'intérieur un peu par hasard, par erreur. Puis elles vont être contentes, façon de parler, si tu les relâches dehors. Mais il y en a d'autres qui sont des espèces dites synanthropiques, qui sont vraiment adaptées à vivre dans nos maisons. fait que celles-là, j'imagine qu'ils seraient moins contentes si tu les relâches dehors. surtout en hiver. Ouais, je suis en train de penser à investir dans les vivariums là, pour mettre des petites araignées que je trouve pendant l'hiver. Là. Ah oui, puis c'est ça. Puis au printemps venu, tu le vides. Ouais, c'est ça. Avec, on va faire aussi des élevages, puis avoir plein de petits bébés qu'on va mettre à des endroits stratégiques. Là. Mm-hmm. Ça t'en prendrait peut-être une coupe de vivarium parce qu'à trop grande densité, ils se mettraient à se bouffer entre elles. Ah ouais. Ouais, ils peuvent être. C'est non seulement c'est des prédateurs, mais ils peuvent être cannibales. J'ai juste une petite parenthèse à faire à propos de l'hypothèse évolutive que j'aime quand même pas mal. On avait parlé quand on avait fait une pré-entrevue que il y a pas d'araignée extrêmement dangereuse maintenant dans le berceau de l'humanité. Mm-hmm. Ça veut pas dire qu'on avait pas là 60 000 ans ou 200 000 ans. Ouais, on peut penser ça, mais à l'échelle de l'évolution, 60 100 000 ans, c'est pas tant que ça. Donc on considère que l'arachnofaune, fait que la faune des araignées est sensiblement pareille, surtout dans pas partout dans le monde aujourd'hui par rapport à l'époque, mais dans surtout près de l'équateur où ça peut être affecté par les glaciations. T'sais, on s'entend qu'au Québec, il y a eu des vagues de glaciation. Là, il y avait des kilomètres de glace au-dessus, fait que les araignées ont été affectées, mais pas tant près de l'équateur. Ah, c'est intéressant, ça. Est-ce que c'est vrai que l'évolution, ça se passe à des niveaux, sur des temps qui sont inconcevables pour notre esprit? On n'est pas fait pour penser à 100 000 ans, 200 000 ans et plus. Là. Ah ouais. Puis ça se passe à l'échelle de millions d'années, l'évolution. Puis effectivement, c'est difficile à se figurer, comme on dit. Ouais. Mais cependant, moi, j'aime l'idée que nos instincts, ils prédatent l'humanité. Fait que c'est pas nécessairement nous qui a développé la peur des araignées, mais c'est une espèce antécédente à nous qui l'avait, puis ça s'est juste comme transmis. Ouais, puis ça, ce serait des études cool à faire. On pourrait reprendre le protocole qui a été fait avec les enfants dont on parlait un peu plus tôt, puis l'essayer avec d'autres espèces de primates. Peut-être que ça a déjà été fait, en fait, mais ça n'est pas ressorti de ma revue de littérature. Peut-être que c'est un trait qui est ancestral, que nos ancêtres avaient. Sinon, il y a une autre twist qui a été donnée récemment à l'hypothèse évolutive, qui serait que la peur des araignées elle-même viendrait d'une autre peur, qui serait la peur de d'autres arachnides, comme les scorpions. Parce qu'on se rappelle, là, les araignées sont des arachnides, pas des insectes, donc c'est une classe différente. Puis à l'intérieur des arachnides, t'as les araignées, les scorpions, les limules aussi. Dans cette région-là du monde, le berceau de l'humanité, il y a des scorpions qui sont potentiellement dangereux. Puis peut-être que justement, à quelque part, là, cette peur des scorpions-là se serait transformée ou c'est ça, adaptée à se transposer aux araignées qui ont des traits communs. C'est comme 8 pattes, par exemple. Fait que peut-être que ce stimulus-là, je vois quelque chose avec 8 pattes, danger, qui fitait avec les scorpions, peut-être que ça fait ça avec les araignées à cette heure. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Le comportement qui nous est donné par la génétique, c'est 8 pattes, mal. C'est ça, c'est des signaux simples qui déclenchent des réactions parfois complexes. Ouais, c'est pas fou comme idée. Mais moi, personnellement, les petites araignées sauteuses, je les trouve super cute. Elles ont le droit de rester. Ah oui, c'est vrai que les araignées sauteuses, c'est un cas à part, on pourrait dire, là, avec leurs deux grands yeux qui te regardent. Puis t'as l'impression qu'ils te regardent pour vrai, là. Puis qu'il se passe quelque chose quasiment derrière ces yeux-là. D'ailleurs, je me rappelle pas si c'est Pixar ou quelle compagnie, mais il y a quelque temps, il y a un court-métrage d'animation 3D qui avait circulé, qui mettait en valeur, là. Le personnage principal, c'était comme une petite araignée sauteuse qui était vraiment cute. Ouais, puis gros accent sur les yeux, effectivement. Puis je pense qu'ils ont des caractéristiques spéciales dans leurs yeux qui fait que eux, ces araignées-là, peuvent bouger leur rétine à l'intérieur pour pouvoir regarder des affaires spécifiques. Oui. Contrairement aux araignées normales, où ils n'ont pas nécessairement ce mécanisme-là. Oui, t'es bien informé. t'as fait ta recherche, mais c'est vrai, les yeux des araignées, c'est pas comme les nôtres. Là. T'sais, nous, on peut les bouger dans leurs orbites, nos yeux, mais pas les araignées. S'ils veulent regarder à côté, il faut qu'ils se tassent, qu'ils tassent leur corps au complet, à l'exception des araignées sauteuses, comme tu disais. Leurs deux grands yeux, derrière ça, il y a comme des longs tubes. Là. C'est comme si nos yeux, à nous, étaient allongés vers l'arrière, puis il y a des muscles qui tirent là-dessus. Puis ça, on peut le voir notamment chez les très jeunes araignées sauteuses, dont l'exosquelette, là, la carapace, entre guillemets, est pas encore sèche, est comme encore humide, puis transparente. Puis on peut voir les yeux bouger en arrière. Puis là, parenthèse, là, pas plus tard que la semaine dernière, il y a une étude qui a été publiée dans PNAS avec des jeunes araignées sauteuses, justement, puis qui ont profité de cette caractéristique-là, qu'on puisse voir les yeux à l'intérieur, pour étudier le sommeil chez les araignées. Attends une minute, le sommeil chez les araignées? Ouais. C'est un sujet... le sommeil, c'est les invertébrés, c'est un sujet qui est un peu à la mode ce temps-ci, là. La cognition, ça s'est rattaché à la cognition aussi, bref. C'est un gros sujet. Mais dans cette étude-là en particulier, ils ont regardé s'il y avait des phases du sommeil qu'il y a chez les mammifères qu'on pouvait détecter chez les araignées. En particulier, la phase de sommeil paradoxal, qui est caractérisée par ce qu'ils appellent en anglais le REM, là, pas le groupe de musique, mais le Rapid Eye Movement. Fait que le corps... Quand nous, on dort, là, les humains, notre corps est à peu près immobile. Des fois, il y a des spasmes. Puis, il y a surtout... les yeux, ils bougent en dessous de la pupille. Puis, ils ont observé un comportement similaire chez les araignées sauteuses qui avaient des périodes d'immobilité, donc de sommeil, avec les yeux qui bougeaient super rapidement, qu'on pouvait voir à travers l'exosquelette transparent. Puis, les pattes, ils faisaient des petits spasmes là, en même temps. Wow! Fait que ça ouvre la porte à plein de questions. Là. J'en parlais avec mes collègues cette semaine de ça. Puis là, évidemment, il y a quelqu'un qui a demandé « Ah, mais là, est-ce que ça veut dire que les araignées rêvent? » Tu sais, on sait pas. Ben, ça se peut, parce que c'est quelque chose qui est comme associé aux rêves chez nous. Puis aussi chez les autres mammifères, comme les chiens notamment, on sait qu'ils rêvent parce qu'ils se mettent à comme courir dans leur... Le sommeil, oui. Ouais. Mais c'est drôle que t'en parles. On va juste faire une petite parenthèse parce que ça me fait penser au sommeil chez les fourmis. Quelque chose qui est comme pas super étudié non plus, mais qui est remarqué. Je pense que les fourmis, ils s'en vont à un moment donné dans leur... pas terrier, là. Leur nid. Leur nid, ouais. Fourmilière. Fourmilière, ouais, le bon terme. Puis ils s'en vont à certains endroits puis ils arrêtent de bouger. Ouais. On s'imagine que c'est du sommeil. Ouais. Peut-être que c'est du sommeil, peut-être qu'elle se repose. C'est difficile à dire, mais il y a de plus en plus d'études sur les invertébrés. Invertébrés étant, tu sais, oui, les insectes, mais les crustacés, puis les céphalopodes comme les pieuvres, là, mais eux autres, c'est un cas à part, faut dire. Mais il y a de plus en plus d'études qui tendent à montrer que le sommeil, c'est beaucoup... Ce serait un trait très, très... Un trait très ancestral. C'est-à-dire que oui, les mammifères, on dort, mais les poissons aussi, les invertébrés aussi, ou en tout cas certains d'entre eux, parce qu'il y a des similitudes dans les périodes de repos entre tout ce beau monde-là, ouais. Est-ce qu'après ça, est-ce que ça veut dire qu'ils rêvent? Il est un peu tôt pour le dire. Ouais, on assume que non pour l'instant, là. J'imagine qu'il y a deux hypothèses, que ben il y a un ancêtre commun qu'on a tous eu qui avait comme ce comportement-là de rêver, de se reposer, et ou c'est quelque chose qui a évolué de manière parallèle. Ah oui, c'est vrai, ça pourrait être l'évolution convergente aussi, ouais. Donc on parlait des araignées sauteuses tantôt parce ouais. qu'elles sont vraiment cute. Ce qui m'amène à parler des espèces charismatiques. Ouais. En fait, les araignées, c'est des espèces charismatiques. Peux-tu élaborer un petit peu plus là-dessus? Les araignées sauteuses sont les plus charismatiques des araignées, on pourrait dire. Mais les araignées, en tant que groupe, sont vraiment pas considérées charismatiques, là, on s'entend. Il y a peu d'invertébrés charismatiques. À l'insectarium, on a beaucoup de projets sur le monarque, qui est probablement une exception là, chez les invertébrés, chez les insectes. Peut-être avec l'abeille, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts de communication qui ont été faits récemment. Puis peut-être la coccinelle aussi, que les gens aiment facilement. Mais sinon, la plupart des animaux qu'on considère charismatiques, c'est des gros animaux, souvent poilus, avec des grands yeux, que, dans lesquels on peut se perdre, comme justement les salticidés, les araignées sauteuses. Fait que là, on pense aux chevreuils, aux vaches même si on les mange au final. Aux jeunes phoques, les blanchons sur la banquise, là, avec leurs yeux qui pleurent, tu sais, pour se protéger du soleil. Mais ouais, les animaux charismatiques, il y en a pas beaucoup au sein des insectes, de sorte que c'est... Insectes et araignées, là. De sorte que c'est des fois, c'est difficile de justifier des efforts de conservation, mettons, auprès de la population pour protéger un habitat pour un insecte que personne n'a jamais vu parce qu'il est tellement rare. Bref. C'est tout un monde, mais c'est important quand même, les espèces charismatiques, parce qu'on s'en sert en conservation comme levier pour protéger d'autres espèces, là, via l'effet parapluie qu'on appelle. Mais ouais, les sauteuses sont certainement les plus charismatiques des araignées. Puis le fait que les araignées, c'est pas nécessairement charismatique, c'est plus facile aussi de juste pas les aimer. Ouais, ah, c'est clair. Puis elles servent un peu de bouc émissaire pour différents problèmes de santé, notamment qu'on peut avoir. Oui, les araignées... ils sont pas charismatiques, donc je pense qu'on a tendance à s'en servir comme bouc émissaire. Comme bouc émissaire, oui, merci. Puis c'est ce qui expliquerait pourquoi les morsures d'araignées sont surdiagnostiquées par les professionnels de la santé, là, par les médecins. Il y a des études qui ont été faites au tournant des années... entre 2005 puis 2015, mettons, là, qui montrent que, ouais, il y a beaucoup de morsures... d'événements qui ont été diagnostiqués comme des morsures d'araignées pour lesquelles il n'y avait pas vraiment de preuves que c'était ça. Le médecin a dit voilà, c'est une morsure d'araignée, peut-être parce que c'est ce que le patient voulait entendre. Mais ça contribue aussi à l'arachnophobie parce que ça fait qu'on pense que les araignées mordent plus qu'elles ne le font en réalité, probablement. Parce qu'on s'entend, elles veulent... C'est pas des animaux agressifs, là, les araignées. Elles veulent pas mordre. Elles vont mordre juste quand elles se sentent menacées. Mettons, si t'as eu du linge sur la corde, une araignée qui est rentrée dans ton T-shirt pendant que ça c'était sur la corde, puis là, tu mets ton T-shirt sans l'avoir secoué, elle aimera pas ça. Elle risque de te mordre. C'est arrivé à mon père, jadis. Puis, fait que oui, ils sont pas charismatiques, donc on a tendance à leur... ils ont le dos large. Puis ça contribue d'autant plus à l'arachnophobie. Ouais, ce qui me fait penser un peu, tu parlais des médecins qui diagnostiquent des morceaux d'araignée. Ouais. Dans l'étude, on va revenir à l'étude. Ouais, OK. Dans l'étude qui est sortie tout récemment, c'est quoi la date de sortie? C'est genre le 16 août, quelque chose de même? C'était plus tard que ça. C'était dans mes derniers jours de vacances. Il y a deux semaines, mettons. Il y a deux semaines? Dans Current Biology. Dans Current Biology, dans l'étude, il parle de la part des experts. Ouais. Puis dans le sensationnalisme, c'est tough à dire comme mot. Ouais. Dans le sensationnalisme de. Bravo. Qui est dans les articles, il y a une corrélation avec la part des experts ou de certains types d'experts. Ouais. Corrélation négative, hein, on s'entend. C'est-à-dire que dans l'étude, ils ont regardé c'est quoi les prédicteurs qu'un article soit sensationnaliste. Le principal prédicteur, c'est la présence d'erreurs. Ça, c'est pas une surprise. Puis dans la grille d'analyse qu'on avait, il fallait dire si un expert était interviewé, s'il y avait une intervention d'un expert dans l'article. Puis là, on décortiquait le type d'expert. Fait que il y avait, par exemple, les médecins, qui sont des experts, mais pas des araignées. Puis il y avait une catégorie experts araignées. Puis, comme tu disais, ouais, les articles dans lesquels il y avait une intervention d'experts en araignées, il y avait moins de chances que ces articles-là soient sensationnalistes ou avec des erreurs. Par contre, cet effet-là n'était pas détectable avec d'autres experts. Ce qui nous fait dire que, si on veut combattre les fausses nouvelles ou la désinformation par rapport aux araignées, appelez-nous, les médias. Nous, on est là, les experts, pour parler, juste discuter avec vous autres, puis ultimement rendre l'heure juste à la population. T'sais. Tu parlais de 8 prédicteurs sur la, je pense, c'est la qualité de l'information. Oui. C'est quoi les prédicteurs? Donc, des prédicteurs ou des drivers de sensationnalisme. Il y en a plusieurs qui ont été testés. Mais dans ceux qui étaient significatifs, là, il y avait la présence d'une photo. Donc, les articles avec photo avaient plus de chances d'être sensationnalistes. Par contre, il faut dire que cette photo-là, c'était pas tout le temps l'araignée dont il était question dans l'article. Puis dans bien des articles sensationnalistes, c'était souvent des images de super dégueulasses, là, de plaies toutes nécrosées. Souvent, c'était la même qui revenait pour différentes nouvelles. Fait que ça veut dire que c'était pas nécessairement celle qui est associée à la nouvelle. Hein. Ouais, il y a une photo fameuse de quelqu'un qui est en train d'avoir une nécrose à cause d'une probablement une brown recluse. Puis on voit son pouce au fil des jours devenir moins pouce. Ouais. Ouais, présumément que c'est à cause d'une araignée, mais est-ce que ça l'est vraiment? On sait pas. C'est ça. Morsure, la photo d'une morsure, ça, c'est un très gros driver. En fait, c'est le principal. Présence d'erreur, on l'a dit. Dans le taux de circulation, le niveau de circulation d'une nouvelle aussi, ça, c'est un prédicteur. Quand une nouvelle a circulé beaucoup à l'échelle nationale ou internationale, il y a des chances qu'elle soit sensationnaliste. C'est-à-dire que les gens cliquent dessus, tu sais, puis ça voyage. C'est ça. Sinon, il y en avait d'autres là, qui sortaient pas significatifs, comme les experts en médecine, on l'a dit. Le type de magazine, l'année de publication, ça, c'était pas des prédicteurs significatifs. Donc ça, c'est pour les prédicteurs de sensationnalisme. Puis il y a aussi une analyse qui a été faite avec les prédicteurs de connexion dans le réseau étant le monde. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une nouvelle voyage plus qu'une autre? Un des principaux facteurs, c'est le langage. Puis là, en fait, selon les langages, une nouvelle va être plus ou moins prompte. En fait, va avoir plus ou moins de chances d'être partagée. Évidemment, les nouvelles en anglais, ils ont plus de chances d'être partagées, donc de voyager plus. Dans les autres langues qu'on avait ici, là, arabe, russe, espagnol, ça voyage pas. Sinon, le nombre d'utilisateurs d'Internet à l'intérieur d'un pays, ça augmente les chances que la nouvelle voyage. Le nombre d'espèces d'araignées dangereuses à l'intérieur de ce pays-là. Par exemple, en Australie, on sait qu'il y en a quelques-unes là, qui sont dangereuses pour vrai, des araignées. Les gens qui voient un titre qui parle d'une araignée d'Australie ont plus de chances de cliquer dessus que une araignée de Russie, par exemple. Donc voilà, c'est des exemples de prédicteurs là, qui sont sortis de nos analyses. L'article a détecté quelque chose de particulier entre justement les nouvelles régionales et les nouvelles internationales. Il y a comme une différence, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, ça c'est un peu contre-intuitif. Là. La probabilité d'un article d'être sensationnaliste augmentait dans les journaux internationaux et nationaux par rapport aux journaux régionaux. Moi, je me l'explique un peu mal, celle-là. Si je vois pas pourquoi... un journal international aurait plus tendance à être sensationnaliste qu'un autre, mais bon, c'est ça qui ressort des analyses quand même. Là. Par contre, il y avait quand même des cas d'articles dans des journaux régionaux, donc des petites publications là, d'articles qui ont voyagé vraiment beaucoup parce que justement, ils étaient sensationnalistes. Ça faisait dire que même si on n'est pas dans un grand journal là, hyper réputé, c'est important de checker les faits, de vérifier les faits, parce que c'est pas parce que c'est un petit journal que la nouvelle peut pas voyager, tu sais, puis contribuer à l'arachnophobie au final. Tu veux-tu que je te lise quelques titres savoureux qui sont ressortis? J'en ai tiré une couple là, en français. Piqué par une araignée recluse dans son sommeil, il frôle l'amputation du bras. Fait que déjà là, on a ça part bien hein, avec piqué, parce que les araignées piquent pas, elles mordent. Ça, d'ailleurs, là, ça a dû fatiguer bien des entomologistes et des arachnologistes quand on a lu ou vu Le Seigneur des Anneaux. Parce que Shelob, dans Le Seigneur des Anneaux, elle a un dard, puis elle pique Frodon. Il n'y a aucune araignée qui a un dard. Enfin, éditorial. Un autre titre. Pyrénées orientales, piqué par une veuve noire. Il est sauvé in extremis par ses proches qui appellent les pompiers. C'est le fun. Un autre. Un ouvrier mordu sur le pénis par une veuve noire à dos rouge. Là, ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui n'aient pas cliqué sur ce titre-là à cause de la veuve noire, par contre. Non, OK. Ben, j'ai d'autres raisons aussi pour ne pas cliquer sur ce titre-là. Ouais, c'est ça. Celui-là est pas pire aussi. Ça, tout tient dans le titre. La petite fille va aux toilettes et se met à hurler. Quand sa mère voit sa main, c'est la panique. Puis un dernier, mais non le moindre. Trois frères se laissent mordre par une veuve noire pour devenir Spider-Man et finissent à l'hôpital. Il y a du bon stock. Moi, j'ai eu du fun à éplucher les articles pour ce projet-là, je dois dire. Puis j'imagine que ces genres de morsures-là, c'est pas des occurrences communes quand même. Ah, ben non, les morsures qui découlent ou qui causent des gros problèmes là, de santé sont super rares. T'sais, même les veuves noires là, ou même les récluses brunes, qui sont, en tout cas en Amérique du Nord, là, qui sont considérées comme les pires, même elles, la plupart du temps, quand elles mordent, il n'y a rien qui se passe. Ça fait mal, ça pince. Là, comme plus l'araignée est grosse, ben, plus ça va faire mal parce que ses crochets sont gros puis ses glandes à venin, y en a dedans. Mais c'est dans une très faible minorité que ça dégénère en nécrose ou en quelque chose de plus systémique, là, puis nécessite une hospitalisation. Donc, il y en a des cas pour certaines espèces. Puis là, d'ailleurs, dans le monde, il y a 50 000 espèces d'araignées décrites à cette heure, là, puis il y en a 0,5% de ce nombre-là qui est considéré comme vraiment dangereuse. Au Québec, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est la perception du risque là, est vraiment exagérée quand vient le temps de parler des araignées. Puis c'est ce qui me fait dire que, t'sais, on en parlait tantôt, là, des niaiseries comme le gars qui a mis le feu à sa maison. Il y a des écoles qui ont fermé, supposément suite à une invasion d'araignées. En tout cas, c'est comme ça que ça a été dit dans les médias. Il y a des gens qui se blessent en voulant contrôler les araignées, souvent encore là avec le feu. Donc, moi, je pense que dans la majorité des cas, la peur des araignées est plus dangereuse que les araignées elles-mêmes. Donc, on est encore avec André-Philippe Drapeau-Picard. La semaine passée, on parlait d'une étude qui est sortie récemment qui parlait de la désinformation à propos des araignées. Là, on va parler un peu de ce que tu fais à l'insectarium. Tu reçois des demandes de gens pour identifier les espèces, les insectes qu'ils trouvent. Il y en a beaucoup de ça que c'est des araignées? Oui. Il y a à peu près 10 % des demandes qu'on reçoit au service de renseignement entomologique à l'insectarium qui sont à propos des araignées. C'est beaucoup des demandes d'identification, mais souvent, les gens veulent savoir c'est quoi, mais ils veulent aussi savoir si c'est venimeux. Puis, dans le fond, leur vraie question, c'est si c'est dangereux. Parce que toutes les araignées, sauf quelques exceptions, là, toutes les araignées sont venimeuses. C'est en injectant du venin qu'elles attrapent, qu'elles neutralisent et qu'elles digèrent leur proie. Donc, c'est ça. Ce qu'on dit aux gens, c'est que, ben oui, venimeuse, ton araignée, parce que toutes les araignées le sont, mais son venin n'est pas dangereux pour les humains pour autant. Soit parce qu'il n'est pas assez puissant, ou la plupart du temps, parce qu'il n'y en a pas assez en termes de volume. Donc, ça, ça permet de calmer les gens. Tu sais, non seulement on peut mettre un nom sur ce qu'ils ont vu, puis après ça, on leur dit que c'est pas dangereux. Souvent, les gens qui ont des jeunes enfants ou des animaux de compagnie sont particulièrement préoccupés. Fait qu'on est comme des agents des agents réducteurs d'angoisse aussi. Ouais, c'est un peu ça notre job. Mais c'est quand même intéressant parce que tu dis que toutes les araignées ont du venin. C'est sans exception? Il y a quelques exceptions, là, de certains groupes d'araignées qui chassent autrement qu'avec du venin. Mais la grande, grande, grande majorité est venimeuse. Plus que comme 99,9%. Ah ouais, c'est ceux qui sont pas venimeux, c'est l'exception qui confirme la règle. Puis, ils ont-ils tous le même genre de venin ou est-ce que c'est des affaires qui agissent différemment? Ouais, bonne question. Il y a une grande diversité de venins. Ça dépend aussi selon les régions du monde. Là, je suis pas un expert des venins. Mais le venin, en gros, même s'il peut avoir différents mécanismes d'action, en gros, il y a deux fonctions. C'est-à-dire de, un, neutraliser la proie, l'arrêter de bouger ou la tuer. Plus la paralyser que la tuer, en fait. Puis après ça, la digérer. Les araignées, ils digèrent à l'extérieur de leur corps. Nous, c'est à l'intérieur, en quelque sorte. Là. C'est dans l'estomac. Tandis que les araignées, ben, elles injectent des enzymes digestives dans le corps de leur proie. Elles attendent que ça agisse. Puis après ça, ben, ils aspirent le jus que ça a donné pour laisser une coquille vide, juste la peau, l'exosquelette là, de leur proie qui a été vidé de son jus. Donc, puis le venin sert aussi de moyen de défense si jamais ils se sentent menacés. Donc, c'est ça qui peut causer des nécroses dans certains cas, parce que les enzymes digestives de l'araignée sont en train de nous digérer. Mais il n'y a pas assez de venin pour perdre un bras la plupart. Non. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai compris en lisant probablement des articles sensationnalistes à propos des brown recluses, ils ont-tu un nom en français? Les recluses brunes. Les recluses brunes, ouais, mais c'est simple. Ce que j'ai compris avec les recluses brunes, leur venin, c'est que c'est vasoconstricteur. Donc, ça fait que tes vaisseaux sanguins, ils se contractent, puis vu qu'il n'y a pas d'oxygène ou de sang qui est acheminé à cette partie-là du corps, mais il y a une nécrose qui est en train de se faire. Ouais, bon, mais c'est encore là, c'est dans une minorité des cas que ça se passe. Mais c'est surtout comme la quantité qui est nécessaire pour affecter quand même l'endroit où c'est. Ouais. Ouais, puis le venin, c'est une chose. Puis ce qui peut être tannant, puis ça, c'est vrai avec n'importe quoi qui perce la peau, c'est les infections qui viennent avec. Parce qu'il peut y avoir des bactéries qui sont pas dans le venin, mais qui seraient sur les crocs, qu'on appelle les chélicères des araignées, puis qui sont... Ils passent à travers la peau une fois qu'ils crochaient la perce. Mais ça peut arriver avec les piqûres d'abeilles puis de guêpes aussi. Donc, c'est pas spécifique aux araignées, mais ça peut... dans bien des cas, c'est l'infection avec les bactéries plus que le venin lui-même qui va être tannant. Mais ça se traite avec des antibiotiques. En quelque sorte, je pense que les morsures de chat sont plus dangereuses que les morsures d'araignées. Ah, il y a bien d'autres animaux qui nous entourent qui sont plus dangereux que les araignées. Oui, les animaux de compagnie. Puis dans les plus gros, les ours, ou même les ratons laveurs, ils sont plus dangereux que les araignées. Parce qu'au Québec, en tout cas, à la limite, avec les États-Unis, à la frontière avec les États-Unis, ils peuvent transmettre la rage. Il n'y a pas beaucoup de cas, mais c'est un risque quand même. Puis ça, on n'y est pas avec ça, la rage, là. Non, non, c'est ça, c'est très mortel. Ouais, si c'est pas traité à temps, là, ouais. Ouais, il n'y a plus rien à faire après un certain moment. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Il y a justement des articles sensationnalistes à propos de la rage puis les chauves-souris, mais... Ouais. Ouais, les chauves-souris non plus, il n'y a pas un grand capital de sympathie dans la population en général. Non, mais il y en a quand même pas mal au Québec. Puis je sais que ma sœur en a chez elle dans sa cour. Puis quand il y a beaucoup d'insectes, on les voit qui se promènent autour puis qui font leur petit clic. Oui, oui, oui, l'écolocation. Ouais. Mm-hmm. Fait qu'ils ils nettoient un peu l'air des moustiques indésirables. Ah, clairement. Puis les araignées aussi, hein, c'est des prédateurs généralistes. Puis ils sont très, très utiles. Justement, il y a un article qui a été publié une couple d'années qui montre que c'est une estimation, là, que les araignées partout sur la Terre, ils mangent plusieurs millions de tonnes de viande des animaux, de la chair animale, par année. L'équivalent des humains, en fait. Ils mangent autant de viande que nous. C'est quand même pas rien. Donc, toutes ces proies-là qu'elles enlèvent dans l'environnement, ben c'est des ravageurs dans nos jardins, dans les champs, des moustiques qui nous piqueront pas. Donc, ils sont très utiles. Puis, on peut voir justement les toiles des araignées comme des filtres. Ils étendent leur toile, puis là, il y a de l'air qui passe à travers, puis les moustiques restent pognés, fait que ça filtre l'air, ça purifie l'air des moustiques. C'est intéressant, ça, comme conceptualisation, les toiles d'araignée en tant que filtre. J'avais comme plein d'affaires à dire, puis je me suis juste flabbergasté avec ça. Avec les toiles? Ouais, mais ça m'a fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si toi, tu as vu ça. C'est un article que j'ai vu qui parle de comment la cognition des araignées est en fait aussi en partie codée dans leur toile. Ouais, je pense que j'ai vu cet article-là. C'est récent, là, il y a quelques mois, ouais. Ben oui, puis d'ailleurs, à ma grande surprise, on a eu une demande d'entrevue avec Bernard Drainville pour parler de cet article-là à son émission à la radio commerciale. Lui, il avait lu ça, il avait trippé. Il a appelé l'insectarium, c'est moi qui est allé. Puis ouais, les chercheurs ils ont décortiqué les différentes étapes que les araignées, à travers les différentes étapes pour faire une toile. Je me rappelle pas exactement des détails, là, mais il y avait une, je pense que c'était au début, quand l'araignée va mettre ses ancrages principaux pour la toile, elle prend des longues pauses, puis elle fait rien. Fait que on sait pas vraiment ce qui se passe là, dans son céphalothorax, là, l'équivalent de sa tête. Mais une des explications que les chercheurs avançaient, une interprétation de ce comportement-là, c'est que ben justement, elle réfléchit. Elle regarde son environnement, puis là, elle décide où est-ce qu'elle va mettre ça. Puis c'est quand même important, là, quand t'es une araignée, de bien faire ta toile, parce que c'est de l'énergie, c'est elle-même qui la produise, la soie. Puis ben si ta toile est tout croche, tu mangeras pas. Tu vivras pas longtemps, puis tu te reproduiras pas. Fait que ouais, c'était vraiment un article intéressant, ça, de décortiquer la structure, autant la structure des toiles que le comportement de l'araignée, selon les différentes étapes de construction de la toile. Ouais, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu aussi, dans le sens où, je pense que dans l'article qui en parlait, ou j'ai vu ça en quelque part d'autre, mais c'est connexe, là, que la toile, ça fait partie du monde sensoriel de l'araignée. Ouais. Fait que ses sens sont étendus à la toile comme telle. Mm-hmm. La toile, c'est comme, tu sais, ça fait partie de l'araignée un peu comme, là, je sais pas si c'est dans le même article, mais comme, tu sais, un marteau, ça fait partie de nous quand on l'utilise. Là, ouais, c'est une comme prolongation de nous-mêmes, ouais. Ouais. Ouais, ben, j'aime bien cette image-là. Puis oui, les toiles, ça permet de ressentir les vibrations autant des proies qui se sont pognées dedans que même. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps aussi. Les araignées peuvent sentir la vibration d'un oiseau, par exemple, qui approcherait, ou d'une guêpe, parce qu'il y a des grosses guêpes qui peuvent se nourrir des araignées. Ils vont les pogner dans leur toile puis partent avec. Puis ils sont capables de faire la différence entre la vibration d'un moustique qui approche puis la vibration d'une guêpe qui approche. Puis si c'est une guêpe, ils vont... les araignées qui font des toiles, souvent, elles se tiennent dans le centre puis ils attendent qu'il y ait quelque chose qui se pogne dedans pour sauter dessus. Mais si jamais il y a un prédateur qui approche, elles vont s'enlever du milieu puis elles vont se mettre à l'abri là, dans le pourtour. Oui, parce qu'essentiellement, ils sont capables de faire la différence dans la fréquence de la turbulence de l'air. Oui. C'est fascinant. C'est vraiment cool. Mais chez moi, il y a beaucoup d'araignées qui sont... comment ils appellent ça? C'est ceux qui ont des petites croix crucifères ou... Les épères diadèmes? Je pense que oui. Qui ont une croix sur l'abdomen, là. Ils sont comme brun, beige. Des fois, ils tirent sur le roux. Oui, effectivement. Ouais, il y en a dans la fenêtre, juste là, tantôt, je les ai vus. Ah ouais. On va prendre une photo et on va mettre ça sur le compte Facebook. Bien sûr. Les autres, j'ai l'impression qu'ils ne se tiennent pas dans le centre de la toile. Je les vois souvent comme cachés dans une feuille comme d'un plant de tomate avec une patte sur un des fils constructeurs. Ouais, ça, ben, c'est peut-être pas des épères diadèmes, par contre. Ah, mais j'en vois dans le milieu des toiles, mais des fois, j'en vois aussi. Mm-hmm. Mais c'est peut-être pas la même, écoute. Ouais, peut-être. Ou, des fois, quand ils viennent de muer, les araignées, ils vont se tenir dans des petits abris qui vont s'être faits comme ça en périphérie. Parce que justement, leur exosquelette est pas solidifié encore. Fait qu'ils vont éviter de se mettre en évidence comme ça. C'est quoi le mot que je cherche? Vulnérable. De se rendre vulnérable comme ça. Fait que peut-être que c'est ça qui s'est passé. Ouais, ça me fait penser. Une araignée, ça mue combien de fois, mettons, dans une saison? Mm-hmm. La réponse qu'on donne souvent en biologie, passe-partout, c'est que ça dépend des espèces. On parle, si je me rappelle bien, là, il y a à peu près 7 ou 8 mues avant d'atteindre le stade adulte, disons en moyenne. Puis à chaque fois, l'araignée est un petit peu plus grosse. Puis pour muer, justement, étant donné qu'elles sont vulnérables, pendant ce temps-là, il y en a qui vont s'enrouler dans des feuilles, qui vont carrément replier la feuille sur elle-même pour faire ça, ou elles vont agglutiner du matériel comme des feuilles mortes qui vont... Puis ils vont se faire un cocon en soi, puis ils vont faire leur mue à l'intérieur, puis ils vont sortir quand ils vont avoir fini. Même chose quand ils pondent des œufs. Là aussi, c'est une période de vulnérabilité, puis les jeunes sont particulièrement vulnérables, donc il y en a plusieurs qui se font des cocons à l'intérieur desquels ils pondent les œufs. Puis quand les araignons, c'est comme ça qu'on appelle les bébés araignées, c'est cute, hein, les araignons, quand ils sont assez grands, là ils vont se promener sur la toile, puis commencer à se bouffer entre eux. C'est souvent comme ça que ça commence, là, la vie des araignons. Il y a trop d'araignons, puis il n'y a pas assez de bouffe. Fait que les plus forts vont, vont bouffer les plus faibles. C'est quand même assez sauvage. Ah, la nature. Ouais, c'est ça. Écoute, j'ai voulu sauver un oiseau l'autre jour qui était comme dans la ruelle, tout ça, puis... J'ai appelé ma sœur, puis elle me dit comme, laisse-le là. C'était quoi, c'était un étourneau, je dégage, un pigeon? Non, c'était un merle, je pense. Ah, OK, bon, les merles, c'est correct. Oui, les merles, c'est correct. C'est pas une espèce introduite envahissante. Ah, OK, OK. On en parlait plus tôt, je pense, la semaine passée. Il n'y a pas d'espèces dangereuses au Québec. Non. Il y a certaines espèces qui ont mauvaise réputation. Je pense entre autres à la kéracanthe, là, ou l'araignée jaune, qu'on voit beaucoup à l'intérieur des maisons. Des fois, elle tire un peu plus sur le jaune, des fois un peu plus sur le vert. Puis encore là, ça découle de mauvais diagnostics là, qui lui ont fait une mauvaise réputation. Elle est inoffensive, cette araignée-là. Elle peut mordre, elle a du venin, mais elle n'est pas particulièrement dangereuse. On a aussi on a une espèce de veuve noire hein, au Québec, je ne sais pas si tu savais. Non, je pense pas. C'est la veuve noire du Nord. Ah ben, c'est très créatif comme nom. Ouais. Son nom latin, c'est Latrodectus variolus. Mm. Puis, c'est pas nouveau qu'elle est au Québec, mais elle est surtout dans le sud de la province. Puis avec les changements climatiques, on s'attend à ce qu'elle monte plus vers le nord. Donc là, pour l'instant, il y en aurait jusqu'à 3 rivières, mettons. T'as donné une idée, là. Fait que c'est sur le au sud du Saint-Laurent, autrement. Mais c'est ça, c'est une étude de mon directeur, là, l'Insectarium, qui a été publiée il y a une couple d'années, dans qui montrait ça. Il recueillait, il avait utilisé des observations, de cette espèce-là en Ontario, puis dans le nord-est des États-Unis, puis au Québec, il y en avait quelques-unes au Québec quand même, puis on modélisé la répartition, donc son habitat potentiel. Puis c'est là qu'ils ont montré que, c'est bien plus grand que ce qu'on sait, basé seulement sur les observations, ce qui nous fait dire qu'elle est sûrement à des places, puis on l'a juste pas documenté, parce qu'elle est très peureuse, cette veuve noire-là. Elle vit, tu sais, elle va se vivre dans les tas de roches, là, ou en dessous des souches. Cachée, elle fait pas de toile évidente, là, comme les épères dont on parlait. Donc, il y a sûrement plein d'endroits où elle se trouve, mais il y a juste personne qui l'a vue, parce qu'elle est cachée. Ouais, mais c'est ça qui arrive avec les insectes. On en découvre tout le temps des nouveaux. Ouais. C'est probablement qu'elle était là longtemps aussi. On n'a juste jamais remarqué. Ouais, ben oui, ça fait souvent ça, effectivement. Puis, justement, avec une espèce récemment introduite, j'ai publié 2 articles. C'est des petits articles, là, le fun d'histoire naturelle, des extensions d'air d'une espèce, une toute petite espèce là, d'araignée sauteuse, justement. Qui s'appelle Cynageles venator. Elle n'a pas de nom commun. Mais c'est une araignée qui imite les fourmis. On dit myrmécomorphe. Myrmécomorphe. Ouais, myrméca, ça réfère à fourmi. Morphe, c'est la forme. Donc, elle, si on la voit rapidement, sa forme évoque celle d'une fourmi. C'est-à-dire, son corps est noir avec des lignes blanches pour faire comme si son corps était divisé en trois, comme une fourmi. Puis elle se promène souvent avec deux pattes en l'air, comme pour faire comme des antennes. Puis elle se déplace comme une fourmi aussi, de façon très saccadée. Donc, elle se déplace rapidement, mais elle arrête tout le temps, souvent. Fait que ça, cette espèce-là a été introduite en Amérique du Nord dans les années 90. La première mention, justement, c'était sur la rampe d'une clôture métallique dans le cours de l'insectarium. Ah ouais. Puis depuis ce temps-là, elle a continué son expansion autour de Montréal. Puis il y a quelques années, je venais de finir mes études, puis j'ai passé un été en Gaspésie, à Bonaventure. Je travaillais au bioparc. Puis à un moment donné, j'ai vu une araignée qui ressemblait à une fourmi. Fait que je l'ai pognée, puis j'en ai pogné d'autres par la suite que j'ai trouvé comme ça. Puis ben, ça s'est donné que c'était cette espèce-là qui était connue, tu sais, du sud-ouest de la province du Québec. Puis là, qui était rendue à l'autre bout, en Gaspésie. Fait que c'est une bonne extension d'air. Puis après mon été en Gaspésie, j'étais allé passer un an dans l'ouest, à Vancouver. Puis cette espèce-là, Cynagelaes venator, n'était pas documentée ailleurs qu'au Québec puis en Ontario. Puis à un moment donné, je me promenais un bon samedi. J'étais allé observer les papillons. Je me promenais avec mon filet, ma caméra. Puis sur une rampe métallique, encore une fois, ben, j'ai vu une drôle d'araignée qui ressemblait à une fourmi. Fait que je l'ai pognée, puis je l'ai identifiée, puis c'était ça. Fait que nouvelle espèce pour la province de Colombie-Britannique. Là, on parle d'une dispersion qui s'est passée sur comme une trentaine d'années? Ben oui, mais encore là, on ne sait pas exactement depuis quand elle était là. Puis on s'entend, son introduction dans l'ouest est peut-être indépendante de son introduction dans l'est. Il y a quand même les Rocheuses là, entre les deux, qui est une bonne barrière à la dispersion. Mais il faudrait aller voir s'il est présent dans les provinces entre l'Ontario et la Colombie-Britannique pour compléter l'histoire. Mais moi, je pense qu'elle a été introduite indépendamment aux deux places. Il n'y a pas des mythes, justement, sur l'introduction des araignées par, justement, certaines voies comme les bananes? Ah ben oui, ça, c'est justement dans les questions qu'on reçoit souvent à l'insectarium. Puis il y a beaucoup d'articles de nouvelles sur des araignées trouvées dans les aliments. Les bananes, ouais, c'est un classique. Les raisins aussi. Ça arrive, nous, dans les demandes qu'on reçoit, à chaque année, là, il y en a quelques-unes. Des gens qui ont vraiment trouvé une veuve noire dans leur sac de raisins, ça arrive. Dans ce temps-là, il faut contacter le MAPAC, parce que c'est eux autres qui font le suivi de ça. Puis s'il y a des plaintes à déposer auprès de compagnies qui regardent pas bien leurs raisins, parce qu'ils sont supposés les enlever, là. Ben c'est ça, c'est le MAPAC qui va s'en charger. Puis, ouais, quand il y a un article dans les médias à ce sujet-là, souvent, on reçoit plus de demandes à l'insectarium. Il y a une hausse de ouais. Signalisation. Là, je travaille sur un projet, justement, pour voir si c'est significatif, cette hausse-là. Mais à vue de données, là, comme on dit, il semble en avoir une. Puis souvent, les gens, ils disent dans leur message qu'ils nous envoient. Bon, là, dans les médias, à tel endroit, ils ont parlé de telle araignée trouvée dans des raisins ou des bananes. Puis là, ben imaginez-vous donc, je suis allé acheter des bananes, puis je les ai mis sur le comptoir. Puis là, sur le comptoir à côté, il y a une... Sur le comptoir, là où j'ai déposé les bananes, genre hier, ben il y a une araignée. Ouais, ouais, clairement, elle vient des bananes. Ben ouais, des fois, les gens font des liens un petit peu trop rapidement. Puis quand la photo est assez bonne, on est capable de l'identifier puis de leur dire que non, il y a des bonnes chances qu'elle ne vienne pas des bananes, que c'est une araignée commune au Québec. Là. Mais c'est quand même intéressant de voir l'effet justement que les articles dans les médias peuvent avoir. Autant ça peut avoir du négatif, mais ça peut avoir du positif aussi. Moi, n'importe quoi qui fait que les gens sont plus attentifs à leur environnement, en particulier au vivant, à la biodiversité, ben moi, je trouve que c'est bénéfique. Il y a tellement de choses là, qui nous entourent, des petites affaires comme des insectes, des araignées, mais des fois, des grosses affaires comme des arbres qu'on n'avait pas remarqué. Bref, il y a tellement de choses qui nous entourent puis qu'on ne voit pas ou qu'on prend pour acquises, mais qui jouent des rôles importants puis qui sont juste esthétiquement intéressante, là, que c'est bien de se reconnecter des fois. Oui, mais c'est quand même assez amusant, juste la curiosité comme telle. Ben oui, puis c'est super important là, d'être curieux, de vouloir en apprendre davantage. Puis c'est quand même la base, je trouve. Bon, là, je suis un peu biaisé en tant que biologiste, là. Mais tu sais, de connaître les principaux arbres du Québec, puis de connaître une couple de fleurs que tu vois dans ta ruelle quand tu te promènes, connaître, mettons, 5 espèces de papillons. Connais-tu 5 espèces de papillons, toi, vite demain? Écoute, là, moi, j'ai des devoirs à faire là, avec tout ce que tu me dis. Ouais. Mais c'est ça, je suis biaisé, mais je pense que c'est important d'avoir une petite base, là, pour nommer les choses qui nous entourent. Mais je suis fondamentalement d'accord avec toi. Ouais. C'est juste que faire le pas pour les apprendre, cette affaire-là, c'est souvent comme c'est plus difficile ou... Les gens ne savent pas nécessairement où et comment aller s'informer. C'est clair, oui, tu as raison. Fait que c'est pour ça que des services comme le nôtre sont importants. On a raison de vivre. Même si on est à l'ère des communications puis tout le monde a un téléphone intelligent, ça, c'est intéressant d'ailleurs comme constat. T'sais, on aurait pu penser que notre service de renseignement, qui est intéressant quand l'Internet n'était pas très développé dans les années 90, on aurait pu penser qu'il devienne caduc. Maintenant que, c'est ça, avec nos téléphones, on a toute l'info du monde, ou presque, au bout des doigts. Donc, les gens auraient pu trouver plus facilement l'information puis pas avoir besoin de nous autres. Mais ce qu'on observe, c'est pas en tout le cas. Au contraire, ça permet aux gens de prendre des meilleures photos qu'ils nous envoient après. Mais c'est ça, c'est que les gens ont besoin d'une confirmation de quelqu'un qui est un expert. Mm-hmm. Idéalement, le bon expert. Idéalement, le bon expert, ouais. Si tu vois une araignée, tu vas savoir c'est quoi. T'écris à l'insectarium ou à des experts en araignée. Si tu es blessé ou si tu as une réaction allergique suite à peu importe quoi, tu vas voir un médecin. Il y a des gens qui nous écrivent quand même. Ils nous disent « Ah, je me suis levé ce matin. Je pense que je me suis fait mordre par une araignée. » Ils n'ont jamais vu l'araignée. Ils n'ont jamais rien vu, mais ils ont une grosse bosse sur le bras bien rouge. Là. Ils nous envoient une photo de ça. C'est bien le fun. Mais nous, on n'est pas des médecins. Notre expertise, c'est les insectes, les araignées. Pour des problèmes de santé, il faut aller voir le système de santé. Oui. Juste pour dire, on s'est croisés dans un événement qu'il y avait dans le parc... C'est quel parc déjà? Oui, le parc boisé Jean-Milo. Oui, le parc boisé Jean-Milo où c'était les insectes de nuit. Oui, c'est une soirée d'observation d'insectes nocturnes là, avec un drap et des lampes pour attirer les papillons et les autres. Là, c'était quand même bien amusant. Je me suis fait du fun. Oui, ben ça, c'est un bon exemple, justement. Cette activité-là est basée sur l'observation. C'est ça, le but. Puis on crée un environnement pour attirer les insectes nocturnes. D'ailleurs, les insectes nocturnes, si tu veux pas les... Ben, en fait... C'est même pas une question de vouloir ou pas. On les voit pas parce que la nuit, la plupart des humains dorment, puis il fait noir, fait qu'on voit pas grand-chose parce qu'on n'est pas des animaux nocturnes. Mais c'est fou, là, la diversité qui ressort quand tu mets un drap blanc, tu mets une lampe dessus, les insectes se garochent, puis là, on voit des affaires qu'on verrait pas autrement. Ben c'est ça. Puis identifier ces insectes-là, c'est pas facile. Mm-hmm. Même si tu as les données sous la main qui viennent de l'Internet, tout ça, il faut que tu saches reconnaître les nuances. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, à cette soirée-là, moi, j'ai trouvé une araignée chez moi que je n'avais jamais vue. Puis là, je suis allé voir sur Internet, puis j'étais comme, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est local ou quelque chose. Puis là, okay. je t'ai montré la photo, tu avais fait comme, ah, Gnaphocidae. Ouais, ouais, OK. C'est-tu Herpilus ecclesiasticus, là, la noire avec un... comme une cravate blanche? Là? Non, mais en fait, il y a comme un genre de... Il y a une ligne blanche qui n'est pas parallèle à son corps, qui est comme un peu... perpendiculaire sur son abdomen, je pense, la partie arrière. Oui, oui. Puis ça a l'air d'être ça. Je vais te la montrer tantôt. C'est bon, je me rappelle pas exactement c'était quoi, mais... Mais oui, puis nous, on... Bon, quand on regarde avec le monde avec des lunettes de biologiste, on est comme entraîné à voir des affaires que les gens voient pas, puis... Souvent, on nous écrit en nous disant « Ah, mon Dieu, j'ai jamais vu ça, cette affaire-là! » Puis il y a beaucoup de gens qui sautent à la conclusion, tu sais, ça fait 30 ans qu'ils habitent en même place, ils voient quelque chose pour la première fois, donc ça devait pas être là avant. Donc ça peut créer de l'inquiétude, c'est une espèce exotique, envahissante. Mais la plupart du temps, non. Comme on disait, il y a entre 20 et 25 000 espèces d'insectes au Québec. On les voit pas toutes dans une vie. Non, ça, on les voit pas toutes, on les découvre pas toutes même. Comme ben tu, non. On disait tantôt, on en découvre des nouvelles mm-hmm. constamment. Oui. Puis, mais oui, par rapport à l'identification, tu sais, à cette soirée-là, justement, d'observation de papillons de nuit au Parc Boisé Jean-Milo, je l'ai dit d'entrée de jeu, hein, moi, je suis pas un expert des papillons de nuit. Il y en a au-dessus de 1000 espèces au Québec, là, des papillons de nuit. Puis, il y en a qui sont très difficiles à identifier. Mais il y a des outils merveilleux, même pour nous, en biologie, qui sont utiles. Puis là, je pense en particulier à iNaturalist ou iNat pour les intimes. C'est un site de sciences participatives où on peut partager nos observations de n'importe quoi de vivant. Ça peut être un champignon, ça peut être des algues. Il y a même des gens qui prennent des photos de bactéries au microscope puis ils mettent ça là-dessus. Bon, puis moi, je partage beaucoup de photos d'insectes. Donc, non seulement ça permet de colliger les informations là-dessus, ça dit c'était où, c'était quand, ça s'ajoute à ceux des milliers d'autres utilisateurs partout dans le monde, mais il y a un algorithme de reconnaissance visuelle qui t'aide à identifier ce que tu partages. Donc, ça, la base d'une observation sur iNaturalist, c'est une photo. Tu peux mettre des sons aussi, là. Mais l'idée de base, c'est que tu mets une photo, puis là, l'algorithme analyse ta photo, puis tu sors des suggestions. Puis il est assez efficace. Donc, peut-être même un peu trop efficace, de sorte que moi, je vais parler pour moi, là, je suis rendu quasiment lâche. Tu sais, dans bien des cas, je me donne pas la peine d'identifier l'espèce sur le terrain, parce que je sais qu'en revenant chez nous, je vais pouvoir demander à iNat, ou même sur le terrain, parce qu'il y a une application qui est bien faite, fait que tu prends une photo, tu demandes c'est quoi, puis la plupart du temps, c'est dans les trois premières suggestions que ça sort. Ouais, est-ce que tu penses que ça réduit un peu tes capacités à justement reconnaître les subtilités et les nuances d'une espèce à l'autre? Je pense pas que ça réduit mon sens de l'observation, mais ça réduit surtout ma mémoire des noms. C'est un peu comme dans le temps là, où il fallait se rappeler des numéros de téléphone de tout le monde parce qu'on n'avait pas de téléphone dans lequel il y avait les numéros. Il y en a qui se promenaient avec des calepins, là, mais moi, je connais plus vraiment de numéro de téléphone, peut-être à part celui de mes parents, là, puis le mien, idéalement. Mais du reste, tu vas voir dans ton téléphone, tout est là, tu n'as plus besoin de t'en rappeler, pour le meilleur et pour le pire. Une petite affaire que je veux juste mentionner avant qu'on ferme un peu l'entrevue, j'ai trouvé quelque chose de... J'ai vu quelque chose de vraiment weird chez moi, au début de l'été. Okay. J'ai ouvert une fenêtre, puis dans la fenêtre, il y avait une araignée, un corps d'araignée, pas de pattes. Ah! Qui était juste là. Oui. Je pense qu'il y a des guêpes, je pense, qui pognent les araignées puis qui enlèvent leurs pattes. Oui. Ouais, ça va faire plaisir aux arachnophobes dans la place. Les guêpes sont vos amis, ou certaines guêpes, en tout cas. Oui, il y a quelques familles de guêpes qui sont spécialisées dans la chasse aux araignées, notamment la famille des pompiles, les spider wasps en anglais, là, littéralement. Puis, ces guêpes-là, les guêpes ont des dards, puis ont du venin aussi, qui paralysent les araignées. Puis, souvent, c'est juste plus facile à transporter, une araignée pas de pattes. Puis, elle est aussi beaucoup plus inoffensive. Parce que ces guêpes-là, ils ne les tuent pas, les araignées. Elles les paralysent, elles les ramènent dans leur nid. Là. C'est pas des guêpes sociales, mais ils ont des nichoirs où elles pondent leurs œufs. Pour leur progéniture, elles font une réserve de bouffe, une réserve de corps d'araignées paralysées, en fait. Puis, ben c'est ça, ils enlèvent les pattes parce que, de toute façon, la plupart de la bouffe, c'est dans l'abdomen. Ils ne sont pas intéressés par les pattes. Donc ouais... Ça arrive qu'elles font leur nid dans les cadres de fenêtres. C'est probablement ça qui s'est passé dans ton cas. Des fois, on en voit sur les murs, là, c'est des guêpes potières qui font des petits nids en boue ou en argile, là, sont grises. Puis si on ouvre ça, ben on va voir un tas d'araignées. Puis souvent, ça fait partie des questions qu'on reçoit aussi. Il y a du monde qui ouvre ça, puis là, ils voient des araignées. Fait qu'ils pensent que c'est un nid d'araignées. Mais non, les araignées sont là pour être mangées par les guêpes, donc c'est le nid. Absolument terrifiant comme destin pour l'araignée. Quand même, hein? Ouais. Vite de même, y a-t-il des choses qui vont se passer à l'Insectarium bientôt, des événements cool qu'on devrait aller voir? Oh boy! Ben là, c'est comme l'été qui se termine. Fait que là, on commence la basse saison. Puis j'ai pas de date à annoncer, mais il y a toute une série d'activités pour stimuler l'entomophilie dans la population. L'entomophilie étant l'appréciation puis la valorisation des insectes là, pour ce qu'ils sont. Pas nécessairement l'amour des insectes. Là. On sait que c'est pas tout le monde qui va se mettre à triper sur les insectes, mais juste de les respecter puis de reconnaître leur importance. Donc, il y a des événements artistiques qui s'en viennent, de danse, de musique électronique. Une grosse programmation qui va être dévoilée sous peu, culinaire aussi, ça va revenir. Mais, mais je peux pas en dire trop, les coms vont me taper ses doigts si j'en dis trop. Fait qu'on va sur espace pour la vie. .ca. Ouais, c'est ça, l'Insectarium fait partie d'Espace pour la vie avec le jardin botanique, le biodôme, le planétarium, puis depuis récemment, la biosphère aussi. Et toi, là-dessus, t'as un blog, j'imagine? Tu publies des articles là-dessus? Oui, là, on a un blog. Chaque musée à l'intérieur d'Espace pour la vie a son blog. L'Insectarium a le sien. Mes collègues et moi, on publie là-dessus. Justement, il va y avoir un article sur les araignées dans les médias puis l'arachnophobie plus généralement qui va être publié au début du mois d'octobre. Puis il y a d'autres articles de recherche qui s'en viennent aussi. Là, donc, restez à l'écoute. Ben, super. On va aller voir ça. Ben, merci, AP, d'être passé. C'était bien le fun. Ben oui, c'était le fun. Merci de m'avoir invité.